Chapitre 3. Platonidas se réjouit extrêmement du retour de son neveu. Que ne s'était-elle pas imaginé pendant son absence ? Tout au moins en Sibérie, se disait-elle, blottie dans un coin de sa chambrette, et tout au moins pour un an. Depuis, la cuisinière l'effrayait en lui communiquant les nouvelles les plus certaines sur la disparition tantôt d'un jeune homme, tantôt d'un autre du voisinage. La complète innocuité politique de Yasha ne rassurait aucunement la bonne vieille, parce que, que peut-on savoir ? Il s'occupe de photographie, cela suffit pour qu'on le saisisse. Et voilà que son Yasha est revenu sain et sauf. Elle remarqua à la vérité qu'il avait un peu maigri et que son bon petit visage était un peu tiré. Mais c'était bien naturel, personne pour le soigner. Pourtant, elle n'osa pas le questionner sur son voyage et elle demanda pendant le dîner... « Kassan, c'est une belle ville ?»« Très belle, » répondit Alatov. « Il n'y a que là que des tartares, n'est-ce pas ?»« Oh non, pas que des tartares !»« Et t'as pas rapporté une de leurs belles robes de chambre ?»« Non, non, je n'en ai pas rapporté. » Et la conversation se termina là. Mais dès qu'Alatov se trouva seul dans son cabinet, il sentit immédiatement comme si quelque chose l'enveloppait de toutes parts, comme s'il se trouvait sous le pouvoir d'un autre être. Quoi qu'il eût dit à Anna dans son élan d'exaspération subite qu'il était amoureux de Clara, ce mot lui semblait maintenant à lui-même privé de sens et tout à fait absurde. Non, il n'était pas amoureux. Et comment être amoureux d'une morte qui même ne lui avait pas plu pendant sa vie et qu'il avait presque oublié. Non, mais il était en son pouvoir, il ne s'appartenait plus. Il était pris au point qu'il ne pouvait plus se délivrer, ni en se moquant de sa propre absurdité, ni d'aucune autre façon. Il se rappelle les paroles de Clara qu'Anna lui avait répétées. « Si je le rencontre, je le prends. » Et le voilà pris. Mais puisqu'elle est morte, oui, son corps, mais l'âme, est-ce qu'elle n'est pas immortelle? Est-ce qu'il lui faut des organes terrestres pour manifester sa puissance? Voilà, le magnétisme nous montre l'affluence d'une âme humaine vivante sur une autre âme humaine vivante. Et pourquoi cette affluence ne continuerait-elle pas après la mort puisque l'âme reste vivante? Mais dans quel but? Qu'est-ce qui peut en résulter? Mais est-ce que nous comprenons en général le but de tout ce qui se passe autour de nous? Ces pensées occupaient Alatov à un tel point que tout en prenant le thé, il demanda soudain à Platosha si elle croyait à l'immortalité de l'âme. Celle-ci ne comprit pas d'abord ce qu'on lui demandait, puis elle se signa et dit... Par exemple, qu'est-ce qui serait immortel si ce n'est pas une âme? Et s'il en est ainsi, demanda Alatov, peut-elle agir après la mort? La bonne femme répondit que oui, c'est-à-dire qu'elle pouvait prier pour nous et encore seulement après avoir passé les 7 épreuves dans l'attente du jugement dernier. Les premiers 40 jours, elle ne fait que voltiger autour de l'endroit où la mort l'a surprise. « Ah, les premiers 40 jours seulement. »« Oui, et ensuite commencent les épreuves. » Alatov admira la précision des informations de sa tante et rentra dans sa chambre. Aussitôt, il ressentit la même chose, le même pouvoir qui le dominait. Ce pouvoir se montrait entre autres en ce que l'image de Clara se présentait perpétuellement devant lui, jusque dans les plus petits détails, jusqu'en des détails qu'il ne se souvenait pas d'avoir remarqués quand il l'avait vue. Maintenant, il voyait, oui, il voyait ses doigts, ses ongles, les poils follets s'allongeant de ses tempes sur ses joues, un petit signe sous l'œil gauche. Il voyait les mouvements de ses lèvres, de ses narines, de ses sourcils, et quelle espèce de démarche elle avait, et comment elle tenait sa tête un peu penchée du côté droit. Il voyait tout. Non qu'il admirât tout cela, mais il était impossible de ne pas y penser, impossible de ne pas le voir. Il ne la vit pourtant pas en rêve la première nuit après son retour. Il dormit d'un sommeil de plomb. Mais aussi, dès qu'il fut réveillé, elle entra dans la chambre et s'y installa en maîtresse du lieu. On eût dit que, par sa mort volontaire, elle avait acheté ce droit sans demander aucune permission. Il prit la carte photographique de Clara, se mit à la reproduire, à l'agrandir, puis en fit une carte à stéréoscope. Il ne put s'empêcher de frissonner lorsqu'il aperçut à travers le verre la figure de la jeune fille ayant pris le relief d'un corps. Mais cette figure était grise comme couverte de poussière et ses yeux restaient toujours détournés. Il se mit à les regarder fixement, longtemps, comme s'il espérait que... Voilà, voilà, ils vont se tourner vers lui, mais les yeux restaient immobiles et toute la figure prenait un aspect de poupée. Aratov se jeta dans un fauteuil, prit le feuillet arraché du journal et pensa... On dit que les amoureux baisent les lignes tracées par une main aimée. Je n'ai nulle envie de le faire, l'écriture ne me semble pas jolie, mais ces lignes soulignées renferment mon arrêt. La promesse faite à Anna d'écrire un article lui revint à la mémoire. Il se mit à la besogne, mais tout ce qui sortait de sa plume était si froid, si forcé, si faux surtout. On eût dit qu'il n'avait aucune foi, ni dans ce qu'il écrivait, ni dans ses propres sentiments. Clara elle-même lui semblait incompréhensible. Décidément, elle se refusait à lui. Il jeta la plume en se disant que, ou bien il n'avait pas de talent d'écrivain, ou bien il fallait encore attendre. Il pensa à sa visite chez les Milovidov, à cette excellente Anna, et ce mot « intact » qu'elle avait appliqué à Clara lui revint à l'esprit. Ce mot sembla le brûler et l'éclairer tout à la fois. « Oui, dit-il, intact, vierge, comme je suis vierge moi-même. Voilà ce qui lui donne ce pouvoir. Les pensées sur l'immortalité de l'âme, sur la vie au-delà de la tombe, s'éveillèrent de nouveau dans son esprit. N'est-il pas dit dans la Bible « Mort, où est ton aiguillon ?» Et Schiller n'a-t-il pas écrit « Les morts aussi vivront ?» Et dans Mickiewicz, « Je t'aimerai jusqu'à la fin des siècles et après la fin des siècles. » Et un écrivain anglais n'a-t-il pas dit « L'amour est plus fort que la mort ?» Le mot de la Bible le frappa surtout. Il voulut découvrir l'endroit où se trouve cette parole, mais il n'avait pas de Bible. Il alla en demander une à Platocha. Celle-ci fut étonnée. Elle lui remit pourtant un vieux livre, dans une reliure en cuir tout racornie, avec des agrafes en cuivre et tout parsemé de vieilles gouttes de cire. Il l'emporta dans sa chambre et pendant longtemps ne put trouver le texte qu'il cherchait. Mais il en trouva un autre dans l'évangile de saint Jean, chapitre 15, verset 13. « Personne n'a une plus grande charité que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Et il pensa, « Oh non, le mot n'est pas exact, il aurait fallu dire « Personne n'a une plus grande puissance et non pas charité. » Mais si ce n'était pas pour moi qu'elle a donné sa vie, et si elle n'en a fini avec la vie que parce qu'elle en avait assez. Mais ici, il se rappela de nouveau la scène de l'entrevue, ce visage, ses larmes, Il entendit de nouveau ces paroles. « Vous ne m'avez pas comprise. » « Non. » Il ne pouvait pas douter de la raison pour laquelle elle s'était sacrifiée. Ainsi se passa toute la journée jusqu'à la nuit. Aratov se coucha de bonne heure, quoique sans grande envie de dormir. La tension de ses nerfs lui causait une lassitude plus pénible que la fatigue purement physique du voyage. Il éteignit la lumière. Une obscurité profonde se fit dans la chambre. Il restait couché, les yeux fermés, sans pouvoir dormir. Tout à coup, il lui sembla qu'on lui murmurait à l'oreille « Oh, c'est le bruit du sang, ce sont les battements du cœur, » pensa-t-il. Mais voici que le murmure devient des mots. Quelqu'un parle en russe avec hâte, avec l'accent d'une plainte, mais de façon inintelligible. Aratov ne peut saisir aucune parole distincte, mais c'est la voix de Clara. Aratov ouvrit les yeux, se souleva, s'accouda. La voix devint plus faible, mais elle continuait sa plainte hâtive et confuse. Et c'était indubitablement la voix de Clara. De légers arpèges parcoururent rapidement les touches du pianino. Puis la voix reprit, plus forte maintenant. Des sons répétés suivirent, toujours plus distincts, puis enfin se détachèrent des paroles. « Des roses, des roses, des roses !»« Ah, des roses !» murmura Aratov. « Ah oui, les roses que j'ai vues sur la tête de la femme du rêve !»« Des roses !» entendit-il de nouveau. « Est-ce toi ?» demanda Aratov toujours à voix basse. La voix se tut. Aratov attendit quelques instants, puis laissa retomber sa tête sur l'oreiller. « Une hallucination de Louis, » pensa-t-il. « Mais si pourtant elle était ici, tout près de moi, si je la voyais, m'effraierais-je ou me réjouirais-je ? Pourquoi m'effrayer? Pourquoi me réjouir? Serait-ce parce que j'y verrais une preuve qu'il y a un autre monde, que l'âme est immortelle? Mais si même je voyais quelque chose, cela pourrait être tout aussi bien une hallucination de la vue. Il alluma pourtant la lumière, parcourut d'un rapide regard, non sans quelque terreur, toute la chambre. Il n'y trouva rien d'extraordinaire. Il se leva, s'approcha du stéréoscope. Toujours cette poupée grise avec ses yeux détournés. Un sentiment de dépit remplaça celui de terreur chez Aratov. Il avait l'air d'être trompé dans son attente, et cette attente même lui parut ridicule. « Oh, c'est absurde la fin !» murmura-t-il. En se recouchant et en soufflant la bougie. De nouveau, l'obscurité profonde. Aratov était cette fois bien décidé à s'endormir. Mais une nouvelle impression surgit. Il lui sembla que quelqu'un se tenait au milieu de la chambre et respirait faiblement et longuement. Il se retourna brusquement, ouvrit les yeux, mais que pouvait-on distinguer dans ces ténèbres ? Il se mit à chercher à tâtons une allumette, et tout à coup il lui sembla qu'un grand coup de vent, silencieux et mou, et avait traversé toute la chambre, l'avait traversé lui-même, et les mots « C'est moi !» retentirent distinctement. « C'est moi ! C'est moi !» Quelques instants se passèrent avant qu'il parvint à rallumer sa bougie. Il n'y avait personne dans la chambre, et il n'entendait plus que le battement précipité de son cœur. Il but une gorgée d'eau et resta immobile, la tête sur la main. Il attendait, il s'était dit « Je veux attendre. Ou ce ne sont que des folies, ou elle est ici. » Elle ne viendra pas jouer avec moi comme le chat avec la souris. » Il attendit longtemps, si longtemps que la main qui soutenait sa tête en fut tout engourdie. Ses yeux se fermaient, il les rouvrait de nouveau, ou du moins lui semblait qu'il les rouvrait. Sa bougie était presque éteinte, la chambre à demi assombrie, et dans cette demi-obscurité, la porte blanchissait confusément en taches allongées. Voici que cette tache glisse, disparaît, et à sa place, sur le seuil, apparaît une figure féminine. Aratov regarde fixement. « Oh, c'est Clara, cette fois !» Elle le regarde aussi fixement. Elle a sa couronne de rose sur la tête et elle marche droit à lui. Un grand frisson secoue Aratov, il se soulève. Devant lui se tient Satan, en camisole blanche, un bonnet de nuit sur la tête et un nœud de ruban couleur de feu sur le bonnet. « Vanatosha !» murmura avec difficulté Aratov. « C'est vous ?»« Oui, c'est moi, Yasha !» répondit Platonida. « Mais pourquoi êtes-vous venu ?»« Mais dis, c'est toi qui m'as réveillé. Tu as commencé par gémir. » Et puis tu as tout à coup crié « Sauvez-moi, au secours !» J'ai crié, moi ? Oui, toi ? Et encore d'une voix si enrouée, « Au secours !» Oh, je me suis dit « Seigneur, ne serait-il pas malade ? Je suis venu, mais tu te portes bien ?» Parfaitement. Alors, tu as fait quelques mauvais rêves. Veux-tu que je te brûle un peu d'encens ? Aratov jeta un regard sur sa tante et partit d'un éclat de rire. La figure de la bonne vieille dans ce bonnet de nuit, avec ce nœud bizarre au-dessus de son visage long et effrayé, était d'un effet très comique. Tout ce surnaturel qui entourait Aratov, qui l'étouffait, disparut en un clin d'œil. « Non, Platosha, ma petite colombe, je n'en ai pas besoin. Pardonnez-moi, je vous prie, de vous avoir effrayé. Dormez tranquillement, je ferai de même. » Platonida resta quelque temps encore, montra du doigt la bougie, grommela. « Mais pourquoi l'as-tu pas éteinte ? Un malheur est si vite arrivé. » Et en s'en allant, elle ne put s'empêcher de faire trois signes de croix dans la direction de son neveu. Aratov s'endormit immédiatement et dormit très bien jusqu'au matin. Il se leva dans une excellente disposition d'humeur, quoiqu'il lui semblât qu'au fond, il regrettait quelque chose. Il se sentait léger et libre. « Quelle folerie romantique !» se disait-il à lui-même en souriant. Il ne regarda pas une seule fois ni le stéréoscope, ni le feuillet arraché, et aussitôt après le déjeuner, il alla chez Kupfer. Il ne se rendait pas bien clairement compte de ce qui l'y poussait. Aratov trouva son ami à la maison. Il bavarda un peu avec lui, lui fit des reproches de les avoir oubliés, lui et sa tante, écouta quelques nouvelles de la femme d'or, de la princesse dont lui Kupfer venait de recevoir de Yaroslav une calotte en drap d'or avec de la broderie en écailles de poisson, puis, s'asseyant devant lui, il le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'il avait été à Kazan. « Tu as été à Kazan pour quoi faire ?»« Mais pour rassembler des renseignements sur cette Clara. » Sur celle qui s'est empoisonnée. Oui. » Kupfer hocha la tête. Voyez-vous, ce petit innocent du bon Dieu. Il s'est fendu de 1000 verstes aller-retour. Et pourquoi faire? Si au moins il y avait eu là un intérêt féminin Ah, alors, dans ce cas, je comprends toutes les folies. Si, Kupfer s'ébouriffa les cheveux. Mais, pour rassembler des matériaux, comme vous dites, vous autres savants, serviteurs, il existe pour cela des bureaux de statistiques. Alors, eh bien, tu as fait la connaissance de la vieille et de la sœur. Une admirable jeune fille, n'est-ce pas ? Admirable, en effet, dit Alatov. Elle m'a communiqué beaucoup de choses curieuses. T'a-t-elle dit comment Clara s'est empoisonnée ? Comment ? Oui, de quelle façon ? Oh non, elle était encore si affligée que je n'ai pas trop osé la questionner. Y aurait-il quelque chose de particulier ? Non, mais certainement. Imagine-toi, elle devait jouer ce jour même au théâtre. Et elle a joué. Elle avait emporté avec elle un flacon de poison. Elle l'a bu avant le premier acte, et elle a joué ainsi tout ce premier acte avec du poison dans le corps. Quelle force de volonté, quel caractère ! Et l'on dit que jamais encore elle n'avait rendu son rôle avec autant de chaleur et autant de sentiment. Le public ne soupçonne rien, applaudit, rappelle, et dès que le rideau tombe, elle aussi, paf, sur la scène. Des convulsions, et une heure après, plus personne. Mais est-ce que je ne t'ai pas raconté tout cela ? Ça se trouvait dans les journaux. Les mains dans la toffe devinrent tout à coup froides, et quelque chose se mit à lui trembler dans la poitrine. « Mais non, tu ne me l'as pas raconté, » dit-il enfin. « Et tu ne sais pas quelle était la pièce ?» Kupfer se mit à rêver. « Oh, on me l'a bien nommée, cette pièce. Il y paraît une jeune fille qu'on a trompée, ou qui s'est trompée, enfin un drame en tout cas. » Clara est aidée pour les rôles dramatiques, rien que son extérieur. Mais où vas-tu donc ? S'interrompit Kupfer, voyant qu'Aratov prenait son bonnet. Je me sens pas très bien, répondit Aratov. Adieu, je reviendrai une autre fois. Kupfer l'arrêta par le bras et l'examina de près. Mais quel homme nerveux tu fais, frère ! « Regarde-toi un peu, tu es jaune comme de la terre glaise. »« Je ne suis pas bien, » répéta Alatov. Et se débarrassant de Kupfer, il partit. Ce n'est que dans cet instant qu'il comprit le motif de sa visite à Kupfer. C'était pour parler encore de Clara, de l'infortunée, de l'insensée Clara. Pourtant, de retour à la maison, il redevint calme. Les circonstances qui avaient accompagné la mort de Clara avaient commencé par l'ébranler profondément. Mais ensuite, ce jeu au théâtre avec ce poison dans le corps, selon l'expression de Kupfer, lui sembla une pose monstrueuse, une bravade. Il tâcha même de ne plus y penser, craignant d'exciter en lui-même un sentiment pareil au dégoût. Pendant le dîner avec Pratosha, il se souvint de l'apparition nocturne de sa tante, de cette camisole écourtée, de ce bonnet de nuit avec son ruban couleur de feu, de toute cette figure comique à la vue de laquelle, comme au coup de sifflet du machiniste, dans une féerie, toutes ses visions s'étaient écroulées en poussière. Il fit même répéter à sa tante comment son cri avait effrayé, comment elle avait bondi hors de son lit, comment pendant quelque temps elle n'avait pu trouver ni sa porte ni celle d'Aratov, etc. Le soir, il joua avec elle aux cartes et rentra dans sa chambre un peu plus triste, mais aussi calme qu'auparavant. Aratov ne pensait pas à la nuit qui approchait. Il était sûr qu'il la passerait on ne peut mieux. La pensée de Clara lui revenait bien par moments, mais il la chassait aussitôt. Il la chassait dès qu'il se rappelait la façon tapageuse dont elle s'était donné la mort. Cette laideur faisait du tort aux autres souvenirs qu'elle avait laissés. Ayant jeté en passant un regard sur le stéréoscope, Il lui sembla même que si elle détournait les yeux, c'était par honte. Le portrait de la mère d'Alatov était accroché juste au-dessus du stéréoscope. Il le descendit de son clou, l'examina longuement, l'embrassa et l'enferma soigneusement dans un tiroir de sa table. Mais pourquoi ? Est-ce parce que ce portrait ne devait pas se trouver dans le voisinage de l'eau ? Ou pour quelle raison ? Il aurait pu le dire. Mais le portrait de sa mère réveillait en lui le souvenir de son père qu'il avait vu mourant dans cette même chambre, dans ce même lit. « Et toi, père, que penses-tu de tout ceci ? » demanda-t-il. « Tu dois tout comprendre. Toi-même, tu as cru à ce monde des esprits, si prompt à s'ingérer dans les choses humaines. Allez, donne-moi un conseil. » Oh, il m'aurait donné le conseil de jeter de côté toutes ces folies, ajouta-t-il à haute voix, et il prit un livre. Mais il ne put lire longtemps, et sentant une sorte d'apesantissement dans tout son être, il se coucha plus tôt que d'habitude, bien persuadé qu'il allait s'endormir sur le champ. Ce qui arriva, mais son attente d'une nuit tranquille ne se réalisa pourtant point. Minuit n'avait pas fini de sonner qu'il eut un rêve étrange et menaçant. Il se voit dans une belle maison de campagne dont il est le propriétaire. Depuis peu, il a acheté cette maison et le domaine environnant. Il est riche et pourtant il se dit toujours « C'est très bien, mais cela finira mal. » Autour de lui frétille un petit homme, son intendant, qui ne cesse de rire, de saluer, et qui veut lui montrer comme tout dans la maison et dans le domaine est en bon ordre. « Daignez venir, venez » répète-t-il en faisant un hi-hi entre chaque mot. « Voyez comme tout est admirable chez vous. Voyez ces chevaux, quelles superbes bêtes !» Et Alatov voit une rangée d'énormes chevaux dans des stalles. Leurs crinières, leurs queues sont magnifiques. Mais les Karatov passent devant eux. Toutes les têtes se tournent à la fois de son côté et lui montrent de longues dents ricanantes. « C'est bien, » pensa Karatov, « mais le mal va venir. »« Daignez passer dans le jardin, » répète l'obséquieux intendant. « Voyez, quelle belle pomme vous avez !» En effet, les pommes sont très belles, rondes et rouges. Mais les Karatov les regardent, elles se flétrissent et tombent. « Le mal va venir, » pense Karatov. « Et voici le lac, » continue l'intendant. « Voici le lac, regardez comme il est bleu et uni. Et voici un petit bateau en or. Désirez-vous faire une promenade ? Entrez dedans, il nagera de lui-même. » « Je n'y entrerai pas, » pensa Alatov, « le mal va venir. » Et pourtant, il entre, il s'assied. Au fond du bateau se tient accroupi un petit être, semblable à un singe. Il tient dans sa petite main un flacon avec une liqueur brune. « Ne vous inquiétez nullement !» lui crie du visage l'intendant. « Hi, hi, ce n'est rien, ce n'est que la mort, bon voyage !» Le bateau part comme une flèche, et voilà que tout à coup font un tourbillon non comme celui de la veille, silencieux et mou, mais noir, hurlant, terrible. Tout se confond alentour, et au milieu de ce vertige de ténèbres, il voit Clara, en costume de théâtre, qui approche de ses propres lèvres un flacon de poison. Des bravos lointains éclatent et une voix brutale crie à l'oreille d'Aratov. « Ah ! Tu as cru que tout finirait en comédie ? Non, c'est une tragédie ! Une tragédie !» Tout est perdu, Aratov se réveille. Il ne fait pas sombre dans la chambre. Une faible lueur glisse on ne sait d'où et éclaire tous les objets. Triste et immobile. Maratoff ne se rend pas compte d'où vient cette lumière. Il ne sent qu'une chose. Clara est ici, dans cette chambre, il en a la conscience absolue. Il est de nouveau et pour toujours en son pouvoir. Et de ses lèvres s'arrache le cri. « Clara, tu es ici !» Dans la lueur immobile de la chambre, s'entend distinctement le mot « Oui !» Aratov répète d'un souffle éteint la question. « Oui !»« Alors, je veux te voir !» s'écrie Aratov, et il saute hors de son lit. Il resta quelque temps à la même place, les pieds nus sur le plancher froid. Ses regards erraient. « Où donc ?» murmuraient ses lèvres tremblantes. « Rien à voir ? Rien à entendre ?» Il regarda avec attention tout alentour et vit que la faible lumière qui remplissait la chambre venait d'une veilleuse entourée d'une feuille de papier posée dans un coin. « C'est probablement Platocha qui l'a mise là. » Il sentit même une odeur d'encens, encore latente. Il s'habilla à la hâte, car il ne pouvait penser à rester au lit, puis il s'arrêta au milieu de la chambre, croisa les bras. La sensation de la présence de Clara était en lui plus forte que jamais, et il se mit à parler d'une voix basse, mais avec une lenteur solennelle, ainsi que l'on prononce les conjurations. « Clara !» ainsi commença-t-il. « Si tu es réellement ici, si tu me vois, si tu m'entends, apparais. Si ce pouvoir que je sens sur moi est ton pouvoir, apparais. Si tu comprends combien est amer en moi le remords de ne t'avoir pas comprise, de t'avoir repoussé, apparais. Si ce que je viens d'entendre est en effet ta voix, si ce sentiment qui s'est emparé de moi est l'amour, si tu sais maintenant que je t'aime, moi, qui jusqu'à présent n'ai aimé, ni connu aucune femme, moi, vierge comme toi, si tu sais que même après ta mort, je me suis mis à t'aimer passionnément et perdument, si tu ne veux pas que je devienne fou, apparais, apparais, Clara. » Aratov avait à peine eu le temps de prononcer cette dernière parole, qu'il sentit quelqu'un s'approcher rapidement de lui par derrière, comme le jour de l'entrevue, et lui poser la main sur l'épaule. Il se retourna, mais ne vit personne. Mais la certitude de la présence de Clara était devenue si intense, si indubitable, qu'il se retourna de nouveau. Qu'est-ce ? Dans son fauteuil, à deux pas de lui, se tient assise une femme tout en noir, la tête détournée et penchée, comme dans le stéréoscope. C'est elle, c'est Clara, mais quel visage triste et sévère! Aratov se mit lentement à genoux. Oui, il avait eu raison l'autre jour. Il n'éprouvait ni effroi ni plaisir, pas même de l'étonnement. Son cœur même battait moins vite. Il n'y avait en lui qu'un seul sentiment. Ah, enfin, enfin ! Clara, reprit-il d'une voix faible mais égale, quoi ne me regardes-tu pas ? Je sais que c'est toi, et pourtant je puis encore croire que c'est mon imagination qui a créé une image pareille à celle-là, et il désignait de la main le stéréoscope. Prouve-moi que c'est toi, tourne-toi vers moi, regarde-moi, Clara. La main de Clara se souleva lentement et retomba de nouveau. Tes yeux, murmura Aratov, et la tête de Clara se tourna lentement. Ses paupières baissées se soulevèrent et deux prunelles sombres se fixèrent sur Aratov. Il se rejeta en arrière. « Ah ! » fit-il avec un long frémissement. Les yeux de Clara restaient fixés sur lui, et ses traits conservaient la même expression, grave, rêveuse, presque mécontente. C'est avec cette même expression qu'elle avait paru sur l'estrade le jour de la matinée musicale, avant d'avoir aperçu Alatov. Mais comme cette fois aussi, elle rougit tout à coup, ses traits s'animèrent, son regard s'alluma et un sourire heureux, un sourire de triomphe éclaira ses lèvres. « Tu as vaincu et je suis pardonné !» cria Alatov. « Pas moi, car tu m'as pris. Je suis à toi et tu es mienne. » Elle allait s'élancer vers lui, mais c'est lui qui se précipita sur elle. Il voulait embrasser ses lèvres qui souriaient, ses lèvres triomphantes. Et il les embrassa. Il sentit leur attouchement brûlant. Il sentit même la fraîcheur humide de ses dents blanches. Et un cri déchirant, un cri de volupté mourante, retentit dans la chambre, subitement obscurcie. Accouru à ce cri, Platocha le trouva sans connaissance. Il était encore à genoux, sa tête était tombée sur le fauteuil, ses deux bras étendus pendaient inertes. Son visage pâle respirait un bonheur inexprimable. Platonida tomba à côté de lui, le prit à bras le corps, ses pauvres bras faibles l'essayèrent de le soulever. « Yasha, mon petit Yasha, mon pauvre petit Yashnet !» répétait-elle. Mais il ne bougeait pas. Alors Platonida se mit à crier comme une folle. La servante accourut, à elles deux elles le soulevèrent tant bien que mal, l'assirent, se mit à l'esperger d'eau où elles avaient trempé une sainte image. Il revint à lui, mais aux questions de la tante, il ne répondait que par des sourires, avec une expression si béate qu'elle n'en fut que plus effrayée, et elle se mit à faire des signes de croix, tantôt sur lui, tantôt sur elle-même. Alatov finit par écarter sa main, et gardant cette même expression sur son visage, prononça « Mais qu'avez-vous donc, tante ? Mais toi, qu'as-tu, Yashinka ? Moi ? Oh, je suis heureux, heureux, Platocha. Voilà ce que j'ai. Et maintenant, je désire dormir. » Il voulut se lever, mais il éprouvait une si grande faiblesse dans les jambes et dans tout son corps que sans l'aide de sa tante et de la servante, il eût été impossible de se déshabiller. Une fois couché, il s'endormit aussitôt. Son visage conservait toujours la même expression, exaltée et bienheureuse, mais ce visage était bien pâle. Le lendemain matin, quand Platonida entra dans la chambre, elle le trouva dans la même position. Sa faiblesse n'avait pas diminué et il préféra rester au lit. La pâleur de son visage déplaisait surtout à Platonida. « Mon Dieu, Seigneur, pensa-t-elle, pas une goutte de sang aux joues et il refuse du bouillon. Le voilà là, couché, il ne fait que sourire et assurer qu'il se porte tout à fait bien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie ? » Alatov refusa également de déjeuner. « Mais qu'est-ce, Yasha ? » demanda Platonida. « As-tu l'intention de rester couché comme ça tout le jour ?»« Pourquoi pas ?» répondit Alatov d'un air caressant. Cet air caressant déplut encore à Platonida. Alatov avait l'air d'un homme qui vient d'apprendre un grand secret, très heureux pour lui et qu'il cache avec un soin jaloux. Il attendait la nuit, non avec impatience, mais avec curiosité. « Quoi encore ?» se demandait-il. « Qu'est-ce qui peut encore arriver ?» Il avait complètement cessé de s'étonner. Il ne doutait plus qu'il fût entré en communication avec l'âme de Clara. Il doutait aussi peu de leur amour mutuel. Mais quel peut être le résultat d'un pareil amour? Il se rappelait ce baiser, et une sorte de froid rapide et doux lui parcourait tous les membres. Roméo et Juliette n'ont pas échangé un plus beau baiser, pensait-il. Mais une autre fois je saurais mieux résister. Elle viendra, moi, avec une couronne de petites roses sur ses cheveux noirs. Mais plus loin ensuite, nous ne pouvons cependant pas vivre ensemble. Il faudra donc que je meure pour être avec elle. N'est-ce pas pour cela qu'elle est venue? Et n'est-ce pas ainsi qu'elle veut me prendre? Eh bien, quoi, mourir? La mort ne m'effraie nullement. Elle ne peut pas me détruire. Où est mort ton aiguillon? Ah, au contraire, ce n'est que comme cela et là que je serai heureux, comme je n'ai jamais été dans ma vie, comme elle non plus ne l'a jamais été. Car nous sommes vierges tous les deux. Oh, ce baiser! Il y a des gens, pensait-il encore, qui, s'ils apprenaient tout ceci, me prendraient pour un fou. Si ces gens savaient quelle sérénité règne à présent dans mon esprit. Et il souriait de nouveau. Platonida entrait sans cesse dans la chambre d'Alatov, ne le tourmentait pas par des questions, mais le regardait, murmurait, soupirait, et s'en allait bien vite pour revenir aussitôt. Mais le voilà qui refuse aussi de dîner. Cela devenait grave. Elle alla chercher le médecin du quartier, en qui on avait confiance, par la seule raison qu'il ne buvait pas d'eau-de-vie et qu'il avait épousé une Allemande. Maratov fut étonné lorsqu'on le lui amena. Mais Paladonida se mit à supplier si instamment son Yashinka de permettre à Palamon Palamonitch, ainsi se nommait le médecin, de le visiter, ne fût-ce que pour elle. Karatov consentit. Palamon Palamonitch lui tâta le pouls, lui regarda la langue, posa quelques questions et finit par déclarer qu'il était nécessaire de procéder à une auscultation. Maratov était dans une disposition d'humeur si conciliante qu'il y consentit également. Palamon Palamonitch lui découvrit avec délicatesse la poitrine, la frappa, y appliqua son oreille, fit de « hum, hum » bien senti et prescrivit des gouttes et une potion. Il conseilla surtout aux malades de rester tranquilles et de se garder de toute émotion forte. « Tu t'y prends trop tard, mon bon, » pensa Aratov. « Voyons, Kayasha !» demanda Planodida sur le seuil de la porte, en fouant un assignat de 3 roubles dans la main de Palamon Palamonitch. Le médecin du quartier, qui, comme tous nos docteurs d'aujourd'hui, surtout ceux qui portent l'uniforme, aimait à briller par des termes scientifiques, lui déclara que le neveu offrait tous les symptômes dioptriques d'une névrose cardialgique et que, en doute, il y avait de la fébrilité. « Parle plus simplement, mon petit père, » dit Platonida avec sévérité. « Ne nous effraie pas avec ton latin, t'es pas chez un apothicaire. »« Mais le cœur n'est pas en ordre, » se hâta d'expliquer le médecin. « Il y a aussi un peu de fièvre. » Puis il répéta sa recommandation de modération et de tranquillité. « Mais il n'y a pas de danger, » demanda avec la même sévérité Platonida. « Et ne te refourre pas ton latin. »« Non, jusqu'à présent, il n'y en a pas. » Platonida resta tout interdit. Elle envoya chercher les médicaments, mais malgré toutes ses prières, Aratov refusa de les prendre. Il refusa même le thé pectoral. « Mais pourquoi vous agitez-vous ainsi, ma petite colombe ?» lui disait-il. « Mais je vous jure que je suis à présent l'homme le plus heureux et le mieux portant de toute la terre. » Platonida ne faisait que hocher la tête. Vers le soir, il eut un peu de chaleur, mais il exigea qu'elle ne restât pas dans la chambre et qu'elle allât dormir chez elle. Palatonida obéit, mais ne se déshabilla ni ne se coucha. Assise dans son fauteuil, elle tendait l'oreille et murmurait ses prières. Elle allait pourtant s'endormir quand un cri terrible, un cri déchirant, la réveilla en sursaut. Elle se précipita dans la chambre d'Aratov et, comme la veille, le trouva par terre évanoui. Mais il ne revint pas à lui comme la veille, quoi qu'on fît. Un transport au cerveau se déclara, compliqué d'une inflammation du cœur, et quelques jours plus tard, il était mort. Une circonstance étrange accompagna ce second évanouissement. Quand on le coucha dans son lit, on trouva dans sa main droite, fermée, une petite boucle de cheveux noirs de femme. D'où venait cette boucle de cheveux? Anna Semyonovna avait bien une pareille boucle qui lui était restée de Clara, mais pourquoi aurait-elle donné à Aratov une chose qui lui était si précieuse? L'avait-elle mise par mégarde dans le journal de sa sœur? L'y avait-elle oublié? Dans son délire, Aratov se donnait le nom de Roméo après l'empoisonnement. Il parlait de son mariage, accompli et réalisé, de la jouissance suprême qu'il connaissait à présent. Bien affreux fut pour la pauvre Platocha le moment où Aratov, revenu à lui pour un instant, et l'ayant aperçu auprès de son lit, lui dit « Tante, pourquoi pleures-tu? De ce que je dois mourir? Ne sais-tu donc pas que l'amour est plus fort que la mort? Ce n'est pas pleurer, c'est se réjouir qu'il faut. Se réjouir comme je le fais maintenant. » Et de nouveau, sur le visage du mourant, rayonna ce sourire de béatitude qui resserrait si douloureusement le cœur de la pauvre vieille.